Bon matin. L'air de quoi si tu sais pas chanter l'hymne de ton club? Allez quoi! C'est nous les supporters! Avec 90% des élèves remotivés après un stage Academia, il va falloir trouver d'autres sujets d'engueulade que les notes. Nos stages de révision améliorent la méthodologie et la confiance des élèves pour passer sereinement dans la classe supérieure. Plus d'infos sur academia.fr. Academia, le plaisir de réussir. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'escroc contre le monde ordinaire. En 2015, dans un petit hameau perdu de la Creuse, un couple d'éleveurs anglais s'installe. David Andy et Sandra Clifton. Mais très vite, ils perturbent la tranquillité des lieux. Entre leurs dizaines de chiens qui aboient sans cesse et le comportement très suspect de David, ils attisent la méfiance des locaux. Bien décidés à tirer l'affaire au clair, un petit groupe d'habitants se met alors à enquêter. Et ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. En réalité, David Andy s'appelle Robert Freeguard. Il est un arnaqueur pathologique bien connu de l'autre côté de la Manche, condamné à perpétuité en 2005. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 7 ans après son arrivée dans la Creuse, en 2022, Andy, donc alias Robert Freeguard, fait l'objet d'un documentaire sur la célèbre plateforme Netflix qui va le précipiter dans une fuite en avant jusqu'à l'irréparable. Notre invité aujourd'hui, Alix Vermande, journaliste, auteur du livre intitulé « La Creuse, nid d'espions » paru en décembre 2023 aux éditions Équateur. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Guillaume Ballandras, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. On savait bien qu'elle vivait dans une maison avec des chiens dans des cages. On savait qu'il y en avait largement plus de 10. Au final, on sait qu'il y en avait 29. Donc, je vous laisse imaginer. Elle vivait dans la merde, disons les choses, n'ayons pas peur des mots. C'est une histoire de femme, avant tout, qui a subi une maltraitance. T'es sous emprise psychologique que lui faisait subir l'escroc de Freeguard. On lui avait enlevé ses enfants. Enfin, ce Freeguard l'avait obligé à la laisser ses enfants. Mom, if you are watching this... We still love you, and we want you back in our lives. Who is this guy? What does he want? Il y a eu ce reportage sur Netflix. Ma petite fille qui habite en Normandie a écrit au producteur en disant « Ma mamie habite à côté de Sandra. Elle est en Creuse. » Elle a donné mon email et dans le cadre qui suivait, sa fille m'a envoyé des messages. Cet habitant de Vidaya, dans la Creuse, a vu son voisin s'enfuir jeudi après avoir percuté 2 gendarmes. Le fugitif est décrit comme une personne peu fréquentable par les riverains. C'est un mec fou, dangereux. 2 juillet 2015, route départementale 36, département de la Creuse. Le vrombissement d'un engin agricole déchire le silence des pâturages. Le long de la chaussée, débonnaire, quelques bovins tournent la tête et font tinter leurs cloches. Un peu plus loin, alors que le véhicule pénètre dans le hameau de la forêt Belleville, les rideaux des maisons en pierre gigotent et laissent apparaître les cheveux blancs de quelques sentinelles vigilantes. C'est le cas de Léon. Lunettes cerclées, épaisse barbe blanche, ce retraité à l'allure de Père Noël vit une partie de l'année dans ce hameau préservé loin de l'agitation des métropoles. Mais aujourd'hui, il n'a que faire du tracteur qui passe dans la rue. Non. Comme tous les matins, son regard se pose sur les terrains de ce nouveau voisin, un couple d'anglais, David Andy et Sandra Clifton. Depuis leur emménagement quelques semaines plus tôt, le retraité rumine. En cause, la présence d'une douzaine de chiens de race, des Beagles, que les Anglais élèvent dans leur jardin. Du soir au matin, le vacarme est permanent. Les animaux aboient dans leur enclos et les déjections s'accumulent le long de la parcelle. D'ailleurs, en ce 2 juillet, c'en est trop. Léon quitte son poste d'observation, allume son ordinateur et se lance dans la rédaction d'une lettre au vitriol destinée à Martine Laporte, la maire du village de Vidaillé, dont dépend le hameau. Madame la maire, chère Martine, je tiens à porter à ton attention des faits qui nuisent au vivre ensemble dans notre village de la forêt. D'après diverses informations, Madame Clifton et Monsieur Handy élèveraient des chiens et en posséderaient 4, 10 ou 14. C'est devenu insupportable. Nous étions à la forêt ce dimanche, ce sont des jappements sans interruption. Il y a nombre de règles à respecter, hélas, aucune ne le sont. Nous te demandons d'intervenir pour que le village redevienne paisible grâce au respect des règles et de la courtoisie la plus élémentaire. En réalité, Léon n'est pas le seul habitant en colère. Dans ce hameau au cœur du Limousin, qui dépend du village de Videia, ils sont quelques-uns à s'interroger sur ces nouveaux venus. Leur élevage canin, bien entendu, mais surtout leur mode de vie. Car ce David Handy et cette Sandra Clifton forment un couple pour le moins étrange. Lui est du genre affable, presque jovial, avec son visage rond et sa coupe courte. Ce quadragénaire joue en public la partition bien réglée du voisin inoffensif. Parfois théâtral, certes, mais pas méchant. En privé, cependant, le refrain est un peu différent. D'abord, l'homme est très souvent absent et quand il est là, il passe des heures enfermé chez lui à écouter en boucle une chanson des années 90 du groupe Duran Duran. Sa conjointe, elle, c'est tout le contraire. Mutique. Pendant les longues absences de son compagnon, Sandra reste cloîtrée chez elle, sans aucun moyen de locomotion. Quand elle daigne sortir dans son jardin, c'est seulement pour étendre des draps ou sortir des poubelles. Léon, le retraité vigilant, a bien essayé d'entamer une discussion cordiale, mais rien n'y fait. À chaque question, elle fournit toujours la même réponse « I don't speak French ». Un charmeur au double visage et une recluse fantomatique, en quelques semaines, le couple est devenu le sujet de discussion numéro un du hameau. Et à force d'échanges, un petit groupe informel d'habitants enquêteurs s'est constitué. Il y a là Léon, forcément, mais aussi Philippe et Véronique, deux agriculteurs creusois pur sucre, ainsi que Pierre-Yves et Patrick, deux quinquas dynamiques qui font la navette entre Paris et la campagne. Et tout ce petit monde partage le même constat. Ces deux Anglais sont chelous, comme le raconte Pierre-Yves et l'une de ses voisines. Elle était complètement effacée, elle semblait névrosée, en tout cas sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. Et lui, au contraire, était complètement expansif. Et puis, la gestuelle est décuplée, c'est-à-dire que ce sont des grands gestes. Tout est théâtral. Il m'appelait par-dessus la clôture. Il m'offrait toujours quelque chose. Du vrai cheddar, des bonbons, oui, du liquide vaisselle. Une fois, il m'a offert des épingles à linge. Il essayait de me charmer. Les semaines passent, puis les mois. Le courrier de Léon n'a eu aucun effet. Les nuisances continuent et la propriété des Anglais se délabre à vue d'œil. À l'automne, le terrain ressemble à un amalgame de ronces, de souches d'arbres et de crottes de chiens. Et ces satanés aboiements qui n'arrêtent jamais. Quand l'hiver arrive, la défiance du petit groupe de voisins laisse place à une sincère inquiétude. Notamment pour Sandra. Laissée seule par son compagnon, sans nourriture ni chauffage, l'énigmatique blonde se clochardise. Parfois, on la voit déambuler dans la neige devant sa maison. Visage osseux, regard vitreux et démarche robotique, elle passe des heures au téléphone à écouter David. Dès lors, une question se pose. Est-elle sous emprise? Tous les voisins, ou presque, en sont convaincus. Il la contrôlait vraiment. Elle avait une oreillette et tout. Elle l'avait sans arrêt au bout du fil, quoi. Et puis, le fait qu'elle ne sorte pas, qu'elle s'enferme à clé à chaque fois, qu'elle ne recevait absolument personne, elle avait des ordres, quoi. Elle lui obéissait comme. Elle puait tellement. Moi qui l'ai touchée, parce que je pensais qu'il fallait faire ça pour arriver à lier le contact, je dis. Oh. C'était pas normal de voir Sandra rester seule sans sortir. Elle n'avait pas de vélo, elle n'avait pas de moto, de mobylette, de voiture. Elle restait seule, elle était cloisonnée. J'ose même dire qu'elle confinait avant l'heure. Et donc tous les jours, on regardait si elle était en vie, si elle sortait, si elle avait besoin de quelque chose. Elle ne disait rien. Malheureusement. À part vérifier qu'elle est vivante, les voisins ne peuvent pas grand-chose. Sans plainte de Sandra, aucune enquête de police ne peut démarrer. Donc, retour à la case départ. David, de son côté, ne semble pas particulièrement inquiet. Les rares moments où il est présent, il enfile son costume de voisin affable qui répond à tout. Si Sandra est dans cet état, dit-il, c'est simplement parce qu'elle est surmenée. Et puis, pour la maison et l'élevage, tout va rentrer dans l'ordre. La mise aux normes est imminente et un groupe d'amis doit venir d'Angleterre pour l'aider à faire les travaux. Inutile de dire qu'au sein du groupe de voisins, ces explications ne font guère illusion. Pire encore, plusieurs nouveaux détails interpellent. Ainsi, il n'existe aucune trace d'un éleveur appelé David Andy, ni au registre du commerce, ni sur Internet. Et puis il y a ces rares visiteurs qui débarquent de temps à autre chez le couple. Eux aussi semblent sous emprise. Tiens, comme ce vieil homme mutique venu faire des travaux sur le terrain. Le jour, il déblaie comme un forcené, la nuit, il dort dans une tente plantée devant la maison. Qui est-il ? Quand on lui pose la question, David reste évasif. Plus préoccupant encore, il fait en sorte que personne ne puisse approcher le mystérieux visiteur. Chose étrange, c'est que quand il s'en allait en ville, il le prenait toujours avec lui. Il le laissait jamais seul avec Sandra. Jamais. Il le mettait toujours dans sa voiture et il s'en allait. Voilà. Donc ça, c'est une attitude bizarre, quoi. Peu de temps après, le vieil homme disparaît. Personne ne le reverra. Pierre-Yves, Léon et les autres s'interrogent. Ce David Andy est décidément très étrange. Alors, qui se cache derrière ce petit homme volubile qui a un avis sur tout ? Et puis, s'appelle-t-il vraiment David ? Les habitants du hameau en doutent. Bien, mais comment faire pour découvrir sa véritable identité ? Début 2018, 3 ans après l'installation des Anglais, Pierre-Yves a une autre idée. Mettre la main sur l'acte de vente de la maison. Et ça tombe bien. Philippe, l'agriculteur, est en possession d'une copie du document sur son smartphone. Après avoir farfouillé dans ses fichiers, il tombe sur un nom. Et sans surprise, David Andy n'existe pas. Sa véritable identité, Freeguard. Robert Freeguard. Immédiatement, Pierre-Yves tape son nom sur le clavier de son ordinateur. Il tombe sur un reportage produit par la BBC. Et ce qu'il découvre le laisse en voie. En septembre 2005, un des plus grands escrocs de l'histoire judiciaire britannique était condamné à la perpétuité. Dans une incroyable décennie de vol et de manipulation, Robert Freeguard s'est fait passer pour un espion et a pris le contrôle de la vie de nombreuses victimes. Il racontait mensonge sur mensonge et n'avait aucun égard pour ses victimes. Escroc, imposteur, manipulateur. David Andy, ou plutôt Robert Freeguard, présente un pédigré judiciaire long comme le bras. Face à son écran, Pierre-Yves n'en revient pas. En 2005, cet homme a été condamné par la justice britannique à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pourquoi n'est-il pas en prison ? Et comment s'est-il retrouvé au beau milieu de la Creuse ? Les nombreux articles de presse le concernant permettent de remonter l'histoire criminelle de l'étrange voisin. Elle commence de l'autre côté de la Manche, donc, près de 25 ans plus tôt, en 1992. Tom Major vient de succéder à Margaret Thatcher, Lady Diana s'affiche en une des tabloïdes, et l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, fait parler la poudre un peu partout dans le pays. L'IRA frappera donc sur le territoire britannique même, à Birmingham, comme à Londres, dans ce grand magasin. Ou même à Brighton, le Premier ministre Margaret Thatcher échappera de peu aux artificiers de l'IRA. Ici, les seuls terroristes, ce sont ceux qui portent l'uniforme britannique. L'IRA se bat pour la liberté et beaucoup ici pensent qu'elle est un mouvement de libération nationale. Newport, région des Midlands, automne 92. Dans ce village perdu au nord de Birmingham, Robert Freeguard travaille comme barman dans un petit pub familial. Derrière le comptoir, tout le monde l'appelle Rob. Avec son visage poupon et son sens de la répartie, le jeune homme de 21 ans est une figure locale et il s'est fait de nombreux amis au sein de la communauté, notamment un petit groupe de 3 étudiants inscrits à l'université agricole du coin, Maria Handy et Sarah Smith, 2 copines, ainsi que le petit ami de cette dernière, John Atkinson. Au début de l'hiver, le barman entame une liaison avec Maria et intègre le groupe d'amis. Très vite, il prend une place centrale. John en particulier semble fasciné par ce personnage flamboyant qui a un avis sur tout. Après la fermeture, il n'est pas rare que les deux hommes continuent de discuter des heures durant, une panne de bière à la main. Mais une nuit de janvier 93, leur relation prend un tournant inattendu. Alors que l'établissement s'apprête à fermer, Rob murmure à John une étrange confidence. Ce job de serveur n'est qu'une couverture. Sa véritable mission est au service de la couronne, dans la célèbre agence du renseignement intérieur, le MI5 ou MI5. Alors, Rob, un espion ? Les yeux de John s'illuminent. D'autant que l'histoire qu'il raconte semble tout droit sortie d'un film. S'il a pris ce poste de barman, dit-il, c'est pour enquêter sur une cellule de l'IRA qui se serait constituée à l'université agricole. La présence d'engrais et de fertilisants dans les locaux fait du campus un site sensible. Ce genre de produit est très souvent utilisé dans la confection de bombes. Waouh ! Impressionné le John. Alors, les yeux dans les yeux, Rob lui fait une proposition. Devenir son relais sur le campus. Poli, sérieux, discipliné, John est le candidat idéal. En revanche, il ne faudra parler de tout ça à personne, pas même à sa copine, Sarah. Un peu flatté, un peu naïf aussi, John accepte. Mais il vient de mettre le pied dans un engrenage qui va lui coûter très cher. Une partie de moi était excitée. Je ne m'opposais pas à l'idée de contribuer à débarrasser la société de ces terroristes, bien au contraire. On m'a alors envoyé relever les plaques d'immatriculation de toutes les voitures garées à un endroit précis du campus, près du dépôt d'engrais azoté. Puis Rob m'a réclamé une liste de toutes les personnes que je soupçonnais d'avoir accès au stock d'engrais. En réalité, pour Rob, ces entraînements sont des tests de fidélité. Avec ce scénario bien huilé, celui-ci arrive à jauger la loyauté de sa victime et à s'immiscer petit à petit dans sa vie privée. Ainsi, au bout de quelques semaines, l'escroc met en place un premier stratagème. Un matin, il annonce en panique à John qu'il vient d'être démasqué par un membre de la cellule terroriste et que toute opération, comme la sienne, celle qu'il lui présente, est compromise. Face au danger qui guette, ils n'ont plus le choix, ils doivent quitter la région avec Sarah et Maria, parce que leur vie à tous est en jeu. Cependant, leur couverture doit rester intacte. Hors de question de dévoiler au fil les vraies questions de cette fuite, les vraies raisons de la fuite. Alors, comment les convaincre de les suivre ? Rob propose une solution. Leur faire croire que John souffre d'un cancer en phase terminale et qu'il va faire un dernier voyage. Naturellement, John est réticent. Mais Rob insiste. Après tout, la sécurité du groupe et du pays en dépendent. Elles étaient anéanties. En particulier Sarah. J'avais le sentiment écœurant de les avoir trompées en leur racontant le mensonge le plus ignoble qui soit. C'est la pire chose que j'ai faite dans ma vie. Je leur ai expliqué que j'avais un souhait. Je voulais profiter du temps qu'il me restait pour parcourir le pays. Elles étaient anéanties. C'est ainsi qu'en avril 93, Rob, John, Sarah et Maria prennent le large. Dans la voiture, l'ambiance est pesante. Entre les deux filles qui pensent aider leur ami mourant et l'étudiant qui croit échapper à des Irlandais sanguinaires, le poison du mensonge s'est immiscé. Parmi les occupants du véhicule, il n'y en a qu'un qui maîtrise la situation. Robert Friar, évidemment. Faux espion, mais vrai manipulateur, le jeune homme a réussi en quelques mois à pénétrer dans l'esprit de trois personnes. D'ailleurs, depuis qu'il a pris le volant, il semble différent. Le jeune barman souriant a laissé place à un chauffeur ternique, qui impose au groupe quelques règles étranges, comme limiter les arrêts au maximum, ou encore passer en boucle le dernier single de Duran Duran, Ordinary World, Monde Ordinaire en français. Les heures passent, les kilomètres défilent, 10, 100, 1000. À l'arrière, les deux femmes commencent à s'interroger. Mais où vont-ils ? Quel est vraiment le but de ce voyage? Et puis, pourquoi cette obsession pour cette chanson? Malgré les questions qui s'empilent, une chose est certaine. À la différence du titre du groupe britannique, le monde de Robert Friggard n'a rien d'ordinaire. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Robert Friggard, faux espion, vrai escroc. France Inter. Affaires Sensibles. Printemps 1993, Angleterre. Une Opel rouge file à toute allure sur l'A628 qui relie Manchester à Sheffield. À son bord se trouvent trois étudiants, John, Sarah et Maria, ainsi que leur ami Rob, rencontré un an plus tôt derrière le comptoir d'un pub. Dans l'habitacle, l'ambiance oscille entre la tristesse, l'angoisse et l'étrange. Pour John, Rob est un espion poursuivi par l'Iran. Pour Sarah et Maria, il est un bon samaritain qui aide John, leur ami, atteint d'un cancer. En réalité, Robert Friggard est un imposteur de la pire espèce qui a menti et poussé John à manipuler ses amis. D'ailleurs, et on l'a dit, aucun des passagers ne connaît la véritable destination de ce périple. Le jour, ils roulent en écoutant la même chanson en boucle. La nuit, ils dorment dans des hôtels miteux. Parfois, Sarah ou Maria s'aventurent à poser quelques questions, mais sans succès. À la moindre difficulté, Rob apitoie les filles en utilisant la prétendue maladie de John. Cependant, après 10 jours d'errance sur les autoroutes du pays, Friggard avoue. Non, il n'est pas barman et John n'est pas mourant. En réalité, ils sont des agents du MI5 pourchassés. À nouveau, l'escroc procède à un véritable lavage de cerveau en instillant la peur dans l'esprit de deux femmes. Elles aussi sont en danger de mort, assure-t-il. Et leur seule chance de survie, c'est une obéissance totale, psychologique mais aussi financière. Ainsi, dans les semaines qui suivent, Friggard obtient l'accès au compte bancaire des trois amis. Un peu plus tard, grâce à un nouveau mensonge, il parvient même à les séparer. Isolés les uns des autres, installés dans des logements insalubres sous de nouvelles identités, les trois anciens étudiants sont désormais des pantins à la merci de leurs prédateurs, prisonniers d'un nouveau quotidien qu'ils ne maîtrisent plus. Rob nous avait interdit de donner notre véritable identité. Je suis donc devenu Jamie. J'avais reçu l'ordre de ne rien dévoiler sur moi ou sur mon passé. J'avais l'interdiction de nouer des liens avec qui que ce soit. En guise de couverture, Rob m'avait trouvé un petit boulot de serveur. Ma vie se résumait désormais à me lever, prendre le bus, travailler 6 ou 8 heures par jour, attendre, errer dans la ville jusqu'à minuit, rentrer dans notre refuge, dormir et recommencer. Trigard passe très peu de temps avec ses victimes. Il se contente de leur rendre visite de temps en temps pour alimenter leur paranoïa avec de nouveaux mensonges, jusqu'à l'épuisement total de leurs ressources. À la manière du gourou d'une secte, il a réussi en quelques mois à contrôler tous les aspects de la vie de ses victimes et surtout à vider leur compte en banque. Ainsi, en 1994, il a accumulé un joli pactole qui lui permet de mener grand train. Belle voiture, montre de luxe, vêtements de couturier. Avec cette première escroquerie d'envergure, il a découvert que son talent pour la manipulation pouvait lui rapporter beaucoup d'argent. Alors, pour se faciliter la tâche, il décide par la suite de se concentrer sur des femmes seules. Et justement, il a une nouvelle cible en vue, Elisabeth. En 95, il réussit à la séduire, puis à s'emparer de ses économies. L'année suivante, c'est au tour de Leslie, puis Renata en 99, ou encore Caroline en 2000. Et à chaque fois, le mode opératoire est le même. Frigard choisit sa proie, joue les amoureux transis, invite un scénario rocambolesque, le plus souvent en rapport avec le MI5 ou une maladie grave, avant de l'isoler socialement, le délester de ses économies et enfin disparaître. Mais en 2002, c'est l'arnaque de trop. Alors qu'il commence à tourner autour d'une nouvelle victime, une certaine Kimberly, l'imposteur attire l'attention des proches de la jeune femme qui préviennent Scotland Yard. Très vite, une enquête est lancée. Et en mai 2003, après 10 ans d'arnaque, une dizaine de victimes et près d'1 million d'euros détournés, Robert Frigard est arrêté. Toute l'Angleterre découvre alors l'histoire invraisemblable de cet arnaqueur sans remords. Un an et demi plus tard, fin 2004, son procès s'ouvre à Londres. Les chefs d'accusation sont lourds, très lourds. Enlèvement, vol, tromperie. Après 8 mois de débat, il écope en septembre 2005 d'une peine inédite pour de tels faits, perpétuité. Le lendemain, sa condamnation fait la une des médias britanniques, comme ici sur la BBC. Un escroc qui se faisait passer pour un agent du MI5, accusé d'avoir volé 1 million de livres, a été condamné à perpétuité. Le juge a dit que l'homme de 34 ans, Robert Frigard, a utilisé ses charmes pour conduire ses victimes jusqu'au désespoir. 2 ans plus tard, en avril 2007, la cour d'appel annule les chefs d'accusation d'enlèvement et en mai 2009, l'ancien barman est libéré. En tout, il aura passé 6 ans derrière les barreaux. En 2015, voilà donc que Frigard réapparaît. Et cette fois dans un petit hameau perdu de la Creuse, il apparaît sous le nom de David Andy en compagnie d'une nouvelle victime, Sandra Clifton. Sauf que cette fois, comme nous l'avons expliqué au début de ce récit, l'homme est sous la surveillance étroite d'un petit groupe d'habitants vigilants, Véronique, Philippe, Patrick ou encore Pierre-Yves, 4 témoins qui ne comptent pas rester les bras ballants. En 2018, quand ils découvrent la véritable identité de leur voisin, tout s'éclaire. Enfin, ils comprennent que l'homme est un dangereux imposteur, comme l'explique Pierre-Yves au micro de Guillaume Balandras. Grâce à l'identité qui m'a été donnée, j'ai pu avoir tout le tracé de son historique, de tout ce qu'avait fait avec des photos, etc. etc. On a tous été mais vraiment scotchés, on va dire. Et en même temps, alors scotchés, et ça répondait à toutes les suspicions qu'on avait. Une fois ces suspicions levées, une question se pose pour Pierre-Yves et les voisins. Comment tirer Sandra des griffes de son bourreau ? Depuis des mois, le problème est le même. Tant qu'elle n'aura pas déposé plainte, la gendarmerie ne pourra pas intervenir. En attendant, rien n'empêche le groupe d'amis de poursuivre sa petite enquête. Fin 2018, ils décident de consigner tout ce qu'ils peuvent. Photos de la propriété, plaintes diverses, rapports des services vétérinaires, coupures de presse, tout y passe. Et peu à peu, c'est un véritable dossier de police qui prend forme. Dans cette bataille qui s'annonce, les enquêteurs amateurs ont un avantage. David Handy, ou plutôt Robert Trigard, ne sait pas que sa véritable identité a fuité. De toute façon, le petit groupe décide pour le moment de garder l'information secrète. Si les tabloïds anglais apprennent que Trigard a récidivé en France, ils risquent de débarquer ici et de le faire fuir. Et bien malgré toutes ces précautions, le secret n'est pas gardé bien longtemps. Car en janvier 2022, coup de théâtre, une série documentaire sur Trigard est mise en ligne par la célèbre plateforme américaine Netflix. Baptisée The Puppet Masters, le marionnettiste en français, la série retrace toute l'histoire criminelle de l'ancien barman, de son premier coup d'éclat dans les Midlands, avec les trois étudiants de l'université agricole, jusqu'à sa rencontre avec une quadragénaire sans histoire, Sandra Clifton. Ainsi, dès le premier épisode, on apprend que Sandra est la mère de deux enfants, Jake et Sophie, nés d'une première union. Sans nouvelles d'elle depuis près de 10 ans, les deux profitent de la présence de la caméra pour lui délivrer un véritable cri du cœur. Ma maman, si tu nous écoutes, sache que malgré tout ce qui s'est passé, on sera toujours là pour toi. Qu'attendez-vous de votre mère? Je sais pas. C'est difficile à dire après, quoi. 7 ans? Je saurais pas te dire. Tu crois qu'elle nous reconnaîtrait? Et nous, on la reconnaîtrait? Maman, si tu nous écoutes en ce moment, peu importe tout ce qu'on a traversé, on t'aime toujours et on veut que tu reviennes à la maison. Hélas, du côté du hameau de la forêt Belleville, Sandra n'a ni télé ni ordinateur. Elle rate donc l'appel lancé par ses enfants. Mais dans la maison d'à côté, un homme fixe son écran, Pierre-Yves, l'un des voisins. L'histoire est à peine croyable. Grâce à cette série britannique qu'il regarde par hasard, il comprend enfin tous les problèmes de voisinage de son hameau perdu dans la Creuse. Le mystère est désormais levé. Il raconte au micro d'Affaires Sensibles. Quand je l'ai vu, mais j'étais sidéré. Je l'ai regardé, j'étais donc tout seul. J'ai tout vu d'un trait, bien entendu. Et quand j'ai vu les enfants qui pleuraient pour demander où était leur mère qui était partie depuis 7 ans, mais on ne peut pas rester insensible et on ne peut pas rester muet à ça. Le dernier épisode finit sur un point d'interrogation. Où se trouvent Robert Trigard et Sandra Clifton? Pour les spectateurs du monde entier, le mystère est total. Et pour cause. Seule une poignée d'habitants de la campagne limousine détient cette information. Certes, mais pas pour longtemps. Quelques jours plus tard, en effet, les villageois envoient un mail à la production. L'information transmise est limpide. Sandra Clifton est toujours sous l'emprise de Robert Trigard. Elle habite à la forêt Belleville, au beau milieu de la Creuse. Prévenus, les enfants de Sandra font le déplacement. Quand ils découvrent leur mère, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pâle, sale et craintive, elle vit depuis 10 ans prisonnière des mensonges de son compagnon. Malgré tout, les retrouvailles sont placées sous le signe de soulagement. Enfin, Sandra renoue avec Jake et Sophie, comme l'expliquent ses habitants du hameau au micro du Parisien. Avec le fils, c'était un truc de dingue. Hein. Ils se sont embrassés au-dessus de la barrière, ils se sont étreints au-dessus de la barrière. Ah oui, c'était... Et elle a instantanément ouvert la porte. Il a réussi à persuader sa mère de donner les chiens à la SPA, et je dis, les chiens sont effectivement partis petit à petit dans la journée. Et Trigard alors? Comme on peut s'y attendre, il est furieux. Grâce à la force de frappe de Netflix, son château de cartes se fissure. Alors, dans les mois qui suivent, son ascendant sur Sandra laisse place à la colère, puis au mépris. Du côté des autorités, ça bouge, enfin. Le 25 août 2022, 6 mois après la mise en ligne du documentaire, les gendarmes fondent sur la propriété. 7 ans après le premier signalement de Léon, les fonctionnaires viennent contrôler l'élevage de chiens. Et cette fois, le roi est nu. Mais Trigard ne compte pas partir sans mener une dernière bataille. Ainsi, lorsqu'il voit la maréchaussée débarquer, il monte dans son Audi et prend la fuite, renversant au passage deux gendarmes, comme le raconte ce reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Robert Frigard, c'est ce dernier qui hier a fui en voiture et a percuté deux gendarmes ici même. Le premier a été légèrement touché, le second est resté 32 mètres sur le capot avant de parvenir à s'éjecter. Le capitaine, dont on pensait qu'il était le plus grièvement blessé, est sorti de l'hôpital en début d'après-midi avec des contusions et un certain nombre de blessures, notamment des plaies ouvertes et fractures, mais ça va et le moral est bon. La femme qui gardait les chiens depuis 8 ans en Creuse avait disparu et était recherchée par ses enfants. Elle ne parlait à personne et vivait dans cette masure. C'est son fils qui l'a retrouvée, raccompagnée hier au Royaume-Uni. La cavale à Frigard durera une semaine. Le 2 septembre 2022, il est arrêté sur une autoroute belge. Une dernière fois, le refrain de Doran Doran résonne dans l'habitacle de sa voiture. Un mois plus tard, le 17 octobre, il est inculpé de tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'ordre public. Aujourd'hui âgé de 53 ans, il attend son procès à l'ombre d'une cellule de la prison de Limoges. Du côté de la forêt Belleville, la maison a changé de propriétaire. Les chiens ont été remis à la SPA et la vie a repris son cours. Cependant, quelques questions restent sans réponse. Qui étaient ces mystérieux visiteurs passés à tour de rôle chez le couple? Et puis, où allait Frigard pendant ses longues absences? Au fond de sa cellule, l'homme rumine. Peut-être essaye-t-il de faire croire à un détenu qu'il est un espion en mission commandée. À moins qu'il ne passe ses jours à essayer de comprendre comment quelques villageois venus du monde ordinaire ont réussi à l'arrêter. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui l'escroc contre le monde ordinaire dont nous parlons avec notre invité Alix Vermand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste correspondant pour l'AFP dans La Creuse, mais surtout auteur du livre intitulé La Creuse, nid d'espion. Alors évidemment, ça interpelle, hein, La Creuse, nid d'espion, paru en décembre 2023 aux éditions Équateur. Pour écrire ce livre, vous avez rencontré de nombreux témoins sur place, et j'en profite pour remercier l'un d'entre eux, Pierre-Yves, que nous avons entendu au long de ce récit, qui a bien voulu témoigner pour nous. Alors, comment entendez-vous parler de cette histoire, vous, pour la première fois? En tant que correspondant de l'AFP, je suis on m'alerte d'un refus d'obtempérer dans une commune creusoise, une petite commune, donc la commune de Vidaya. J'essaie de retrouver des informations sur ce refus d'obtempérer, mais j'en ai que très peu des autorités, des gendarmes. Et dans ces cas-là, c'est plus simple d'appeler la maire de la commune, Martine Laporte, qui elle me raconte tout et me donne surtout l'identité de la personne qui est soupçonnée d'avoir renversé les deux gendarmes, c'est-à-dire Robert Andy Frigard. Bien, alors là vous vous dites, je tiens une information quand même, hein. Et vous vous rendez à la forêt Belleville, bien sûr. Quelle est l'ambiance dans ce hameau? La forêt Belleville, c'est vraiment un hameau qui est caché entre les forêts, c'est-à-dire que vous le traversez, vous ne vous arrêtez pas souvent. Il y a des résidences secondaires, des personnes qui habitent là l'année, mais il y a une vingtaine de maisons. Et dès que vous rentrez dans ce village, il y a une atmosphère particulière, c'est-à-dire que vous vous sentez observé, vous vous sentez épié, vous savez qu'il ne faut pas faire n'importe quoi ici parce que tout le monde sait ce qui se passe ou tout le monde va raconter aux autres vraiment ce qui se passe. Donc on se méfie même en entrant dans le hameau. On est un peu chez Chabrol, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, quand on commence à rencontrer les différents habitants de la forêt Belleville, ça se confirme. Ce sont des personnes qui ont des personnalités, des caractères très singuliers. Alors, pour le volet creusois de l'affaire, parce qu'on a compris, il y a deux volets. Il y a tout ce qu'il a fait en Grande-Bretagne et puis ce qu'il a fait dans la Creuse. Tout commence donc en 2015. En quelques mois, un groupe d'enquêteurs se constitue. Alors, ce ne sont pas des enquêteurs professionnels, c'est les voisins qui vont faire d'innombrables signalements. Ils ont prévenu qui? Est-ce qu'ils se sont dit, les voisins, on va agir entre nous, hein, ça sera plus efficace, et puis on dit rien à la police, mais ils ont prévenu quand même des institutions? Ils ont prévenu toutes les institutions qu'ils pouvaient prévenir, c'est-à-dire la direction des services vétérinaires, la préfecture, la mairie, évidemment, avec Martine Laporte, le député, le procureur, les gendarmes, les renseignements territoriaux. En vain, ça n'a pas bougé pendant plusieurs années. Parce qu'il n'y a pas de plainte. C'est ça, en fait, le problème, c'est que la victime, Sandra, ne porte pas plainte. À partir du moment où il n'y a pas de plainte, les gendarmes ne se déplacent pas. On est d'accord? Exactement. Les gendarmes se sont même déplacés Mais Sandra leur a dit que tout allait bien, donc ils ne pouvaient pas la forcer à les suivre à la gendarmerie ou bien à contrôler son compagnon sans qu'elle ne dépose plainte. Alors, on reviendra dans la Creuse, mais retournons pour la compréhension de l'histoire dans la phase britannique. Alors moi, je me pose une question quand même. Il prend perpétuité, il est libéré au bout de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ses avocats ont réussi à démontrer que ses victimes n'étaient pas détenues contre leur gré physiquement. C'est-à-dire qu'il y avait seulement une emprise psychologique. Or, en Angleterre, en 2015, l'emprise psychologique n'existe pas. Le contrôle coercitif, notamment, n'existe pas. Il faudra attendre vraiment l'instauration du contrôle coercitif avec le Serious Crime Act. Et ce qui coïncide notamment avec l'arrivée de Robert Andy Frigart en France à partir de ce moment-là. Ouais, on peut dire que ça tombe bien, finalement. Alors, on retourne en arrière. On l'a vu dans le récit, les 3 premières victimes de Frigart sont des étudiants anglais, étudiants et étudiantes, hein, John, Sarah et Maria. Dans la série, que sont-ils devenus? Alors, Sarah Smith, comme on peut le voir dans le documentaire Netflix, a encore de lourdes cicatrices psychologiques vis-à-vis de cette relation avec Robert Andy Frigart. John Atkinson, lui, quant à lui, témoigne un peu plus... avec un peu plus de liberté, de détachement, tandis que Maria Andy, avec qui Robert Andy Frigart a quand même eu 2 enfants, elle ne témoigne plus et on ne sait plus, pas du tout ce qu'elle est devenue. Alors ensuite, Frigart décide de se concentrer sur des femmes seules. Là, il emmène un groupe d'amis. Alors, après, ses cibles sont des femmes seules. C'est un choix conscient. On sait pourquoi il a fait ce choix. On sait qu'il a essayé avec des hommes, mais ça a vraiment fonctionné avec des femmes, souvent des femmes seules, parfois même des femmes mariées. Il essaye de trouver une faille chez elle, parfois une séparation douloureuse, un deuil, ou bien un travail qui était compliqué. Et une fragilité. Il arrivait à exploiter cette faille. Parfois, des femmes naïves, il arrivait à les faire rêver, à leur vendre un mariage, une vie de rêve, et il a réussi à les manipuler pendant plusieurs années pour certaines. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Alex Viermande, je rappelle que vous êtes journaliste correspondant pour l'AFP dans la Creuse et auteur du livre intitulé « La Creuse, nid d'espions », paru en décembre 2023 et qui raconte l'histoire que nous venons de raconter. Quelque temps après sa sortie de prison, Frigart rencontre donc Sandra Clifton. Alors on sait comment il a réussi à amadouer les autres, comment il l'amadoue elle? Il amadoue Sandra Clifton en la mettant en conflit avec ses enfants, c'est-à-dire pour des broutilles, parfois, rien que par exemple un bijou qu'elle ne retrouve plus. Il arrive à instaurer un sentiment de conflit entre les enfants et la mère, donc Sandra Clifton, ce qui fait qu'elle se sépare de plus en plus de ses enfants, et lui, c'est très facile après pour lui de l'embarquer avec lui pour des voyages ou bien plus loin comme en France. Et pourquoi décide-t-il d'aller dans la Creuse et pas ailleurs? Alors ça, les voisins se sont évidemment posé la question à maintes reprises. En tout cas, Robert Andy Frigart, quand il se présente à la mairie de Vidaya, il dit qu'il vient s'installer en France, en Creuse, car il veut participer au concours canin en Europe, notamment en Allemagne. C'est assez suspect, car s'il a envie de participer au concours en Allemagne, il pourrait trouver un département plus proche de ce pays. À côté de Strasbourg. Donc déjà, l'explication est un peu confuse. Les voisins pensent vraiment qu'il a essayé de se cacher dans un village où on estime que personne ne vous voit, et ça s'est retourné contre lui, parce que, bien au contraire, c'est quand il y a très peu de voisins dans un petit village qu'on s'épie le plus, qu'on discute le plus, et qu'il y a beaucoup de rumeurs autour des faits et gestes des différents voisins. Alors justement, à ce propos, les voisins, vous avez travaillé facilement avec eux, ils étaient vraiment prêts à témoigner auprès de vous, comment ça s'est passé? Il a fallu gagner leur confiance. Évidemment, ce n'est pas évident d'arriver chez eux, de toquer à leur porte et de leur faire replonger dans leurs souvenirs, notamment. C'était parfois assez douloureux. Vous gagnez la confiance de 3-4 voisins qui puis en parlent aux autres et vous arrivez à une vingtaine de témoignages, ce qui permet d'avoir toutes les pièces du puzzle et avec des témoignages qui s'imbriquent bien, même si parfois il y a des zones d'ombre, parce que même si certains voisins ont noté, même ont daté les faits et gestes de Robert Andy Frigart, pour d'autres c'était bien plus confus, ils ne pensaient pas qu'on en arriverait jusqu'à un refus d'obtempérer dans le village. Ils ont lu votre livre, vous avez eu des retours? Oui, ils l'ont lu. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Alors évidemment, pour certains, ça leur a fait bizarre de, d'être placés comme des héros, finalement, parce qu'ils sont quand même des personnes très humbles. Et non, ils sont contents quand même d'avoir une trace écrite de ce qui s'est vraiment passé dans ce hameau pendant 7 ans, car ce n'est pas évident. Puis même, ils ont découvert ce qu'ont fait d'autres voisins, car ils n'ont pas recoupé toutes leurs informations entre eux, la vingtaine de personnes qui a pu travailler sur cette enquête. Ça leur permet vraiment d'avoir... oui, une preuve matérielle de toute l'action qu'ils ont menée depuis 2015. Mais dans quel état d'esprit ? Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, enfin, il se passe quelque chose ici ? Un endroit où une vocation à rien se passer, sinon une vie tranquille et heureuse ? Ou est-ce que c'était quand même une douleur pour eux ? Un drame ? Pour eux, c'était aussi une source d'épuisement, de voir que les institutions ne bien sûr. N'agissaient pas. Puis ce soulagement, évidemment, avec cette fuite de Robert Andy Frigard, même si pendant sa cavale, il y a eu quand même pas mal d'inquiétudes dans le hameau. On pensait qu'il allait revenir, certains pensaient qu'il allait revenir, ou qu'il pouvait être caché dans une grange à quelques kilomètres. Donc aujourd'hui, oui, c'est un soulagement, et surtout, ils attendent beaucoup du procès, c'est-à-dire pour savoir vraiment ce qu'il faisait comme travail et où est-ce qu'il allait quand il n'était pas en Creuse. Bien sûr, et à propos du procès, on a une date ou pas ? Toujours pas de date du procès. Une reconstitution a été organisée à la forêt Belleville, à Vidaya, début septembre 2023. Les voisins ont pu revoir Robert Andy Frigard. Et puis, donc, ils attendent depuis la date exacte du procès avec impatience. Il est dans une prison à Limoges, vous confirmez ? Exactement, il était à la maison d'arrêt de Limoges depuis octobre 2022. Je reviens sur l'enquête pour 2 ou 3 précisions, pour être vraiment complet. Donc, il finit par se faire arrêter une première fois en 2003. Comment s'est déroulée l'enquête de Scotland Yard et quid du FBI qui, je crois, intervient dans cette histoire ? Et c'est ça. Le FBI est sollicité par Kimberly Adams, qui est la dernière victime de Robert Andy Frigard. Les parents de Kimberly Adams alertent le FBI de la disparition de leur fille. Et en parallèle, le Scotland Yard est alerté par le père de Sarah Smith, l'étudiante qui figurait parmi les 3 jeunes manipulés par Frigard pendant 10 ans. Ah oui. Et donc, ils ont réussi à mettre leurs informations en commun et à le piéger dans un aéroport à Londres via notamment la participation de la mère de Kimberly Adams qui devait appâter Robert Andy Frigard et sa fille pour le piéger. Et ce visiteur que les voisins ont vu et dont on a parlé dans le récit, est-ce qu'on a le fin mot ? Non, évidemment, il y a beaucoup de suppositions, notamment les suppositions les plus macabres. Mmh. Certains pensent que peut-être qu'il pourrait être caché, enterré dans un bois non loin. Mais on n'a vraiment eu aucune preuve concrète. On ne peut pas s'avancer sur ce sujet. Mais en tout cas, il a vraiment disparu du jour au lendemain à partir du moment où un voisin a alerté les gendarmes sur les mauvaises conditions de vie de cet homme qui vivait, comme vous l'avez dit, dans une tente par tous les temps. Donc apparemment que c'est une victime, c'est pas un complice, c'est une victime, non ? En effet, les voisins le voient plus comme une victime plutôt que comme un complice. Ouais, bien sûr. Quelques mois plus tard, les gendarmes arrivent enfin chez le couple, Robert et Sandra. Que découvrent-ils ? Les gendarmes, après la fuite de Robert Andy Frigard, enfin pénètrent dans la maison. Il découvre des cages superposées les unes sur les autres, des cages de chiens, des beagles qui vivent à même le sol dans des conditions innommables. C'est-à-dire ils ont une partie de leur fourrure qui est absente et surtout ils trouvent une femme qui a vécu dans des conditions abjectes pendant 7 ans surtout. Ouais. Impossible de vivre dans de telles conditions. Bref, c'est le chaos dans la maison. Toute dernière question, que sait-on de Sandra maintenant ? Est-ce qu'on sait comment elle vit ? Est-ce qu'elle s'est remise de tout cela ? Sandra est rentrée très rapidement en Angleterre, auprès de sa famille. Elle a retrouvé ses enfants, sa cousine. Elle a récupéré sa maison de famille, qu'elle nettoie. Et ça lui occupe l'esprit, mais depuis, elle n'est pas retournée en Creuse, évidemment. Bien, merci infiniment, Alix Vermande. Je rappelle le titre de votre livre, La Creuse, nid d'espions. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Frigard, faux espions et vrais escrocs. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet. Affaires Sensibles est un podcast France Inter.